Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Bande konangai na lingi samedi oyo bokoka ko partager eloko to lingi to solo la. En tout cas, merci beaucoup la ndenge population mobimba bokomi koyeba tango bato ya mai mai basala ki explore na bango na minembwe. Congo eza na problème epai na epai, il fallait to signaler bino que ce n'est pas fini, faut pas qu'on soit distrait. Yango no mona to solo ke makambo ile kaki to reprendre le susu ya koloba ke intitulé neti ndenge na komia wa attention na Kalemi. Kalemi eza pembeni ya lac Tanganyika le plus poissonné du monde. Soki bato mosusu bazwaki mbongo na Kasenga na Mpweto na Kashobwe, a plus forte raison soki balingi ba exploiter mbisi na Tanganyika bakozwa boni. Lac pe Tanganyika wana ekoki kosala ekonomi mobimba ya bokonzi ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Mbongo ebele eza kokobima mpona kokendaka kosomba ba rouge, kosomba ba tilapia ya epai ya bamboka moya mboka mosusu na ba Saint-Char oyo baza koya nango. Mais le lac le plus poissonné, nous l'avons. Ce qui fait que il faudrait que mokonzi ya mboka a réfléchir lokola lobi ane oyo eza ya ba action, atia d'abord ba magistrat en action. Bakanga miyibi, miyibi, miyibi, miyibi ya façon tout. Akende kozwa bato ya nyongo, basombaka te na cash, nyongo kozwa. Batiata bato misato de pêche sur le Tanganyika, lisolo ya mbisi esili. Bapeyi mususu oyo emonaka ki etekaka biloko awa na Congo, ekolinga jamais biso to oyo avanse, mpo bazoteka awa bango bazozwa devise ekepa na bango. Lisolo lelo ezali ya Kalemi. Na lingi sikoyo, le technicien bwana mzuri yamba akende na biso na ba na tableau oyo na lingi kutola da carte géographique ya RDC na ba pays limitrophes na expliquer siko bino pourquoi Kalemi ekoki kozala victime ya stratégie 7 tolanda. Bolanda carte très bien. Omoni RDC yewana mobimba. Toza awa na Tanganyika. Kalemi yeyo. Et donc makambo na uti koloba wana soki olongi olongwe na Kalemi okukuta Kigoma ezali awa na Tanzanie wana oleki Burundi yeyo, Rwanda yewana, awa tukuti na Uganda, Kenya yewana, Somali yeyo, Ethiopi yeyo. Donc, na Somali, na Ethiopi, na Kenya, na Uganda, na Rwanda, na Burundi, batu nyonso baza awa babengi bango banilotiki. Eza na batusi na bautu. Bazalaka presque bilongi moko na mentalite moko. C'est pourquoi tolobi que danger ebele tango ekomaki na ba nord et sud Kivu. Ezali po ete bazo confondre on ne sait pas koyeba somalien waza ilongi moko na ethiopien ndenge moko na batuti ekomi difficile. Donc bakoki kobima na Somali baleki na Ethiopie ba zui batwao ba zui awa baleki awa na Kenya ba zui ba mususu basangise na bato ya Uganda basangise na ya Rwanda na ya Burundi Kalemi yango ya waze facile bakoti operation Salemi. Pourquoi? Parce que mingi mingi tokomo kokende pongi na ba minembwe kote oyo. Donc vous êtes édifiés. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? na outro que expliquei carte bien makambutu ndengezali ndenge ba pays wana tandani tandani eza ya banilotique bitumboyo bouti ko sala ya minembu eza ya banilotique souffrance tout RDC outi ko connaître pendant 20 ans eza ya banilotique kokota na bango e bandaki ba problème depuis kala eza banilotique toyini bango te me faut toke bana bango tango boza distrait na côté ya beni lokola bazui pe ekoti kuna babutembo ruchuru minembwe bozobo sana kalemi stratégie 7 batoyo basala misala bayebi ce que ça signifie ekoki kosale mana kalemi parce que kalemi wana etika le loko moko polele batu bazwaka pirogue bake Tanzanie ndenge balingi bazongi pe lisusu eza sorti oyo eutaka na ba or ba pierre précieuse makambo tuna ba arme tokoya kosala emission moko tozwi moba totie na kataka tolakisi bino koma c'est dangereux alors il ne faudrait pas que bobo sana eloko moko na 1994 période ya Mobutu na bangwanda zamboko ba réfugié ebele bakendaka kotia bango ba Rwanda na Arusha na Tanzanie botala Arusha pona koya na Kalemi c'est facile ba Rwanda mususu depuis 1930 bazalaka na Vyura kaka na Tanganyika wana ba mususu ba botama na batuti Burundi ba oyo bazalaki ba botamaki na Kalemi wana parce que commandant na bango to balingi bazonga na Burundi Gervais alobaki toyaki na Minduki na Kongo to kozonga na Minduki muto ya botaki atika mwana donc bilongi ebele tikalaka kuna na Tanganyika na Kalemi na Moba partout. Comment résoudre ce problème? Boko ki ko attaquer mususu po azana elonga batuti alors que papa na ye azalaki congolais. Parce que congolais aniga ka pamba pamba akenda kana makambu nyoso pamba pamba. Et donc il y a un problème. Ce qui doit avancer nous allons trouver que marketing oyo basala kana ba entreprise il faut ça la mana pouvoir na biso tozana yango. Poto sala yango il faut ba congolais nyonso ba se retrouver que ça véritablement ba congolais ba lingi mboka oyo. To tie ba bitumba na biso biso moko parce que le danger est là. Il faudrait que tu pratiquer une bonne communication, une bonne finance et le moyen humain. Cela veut dire que le pouvoir actuel doit devoir kota la communication. Communication za kakate ya bantu na yeo ebaza ya présidence na biso tout na république. Bato bazo fa na académie il faut bango de bazala ba policier ya liboso avant ba mona police nationale. Boko mana système ya ke to yebani. To koma ekenge. To za la méfiant na papa ya to. To za na système ya ko dénoncer biso moko au départ. C'est ça la communication dans sa grandeur. Maintenant, ekoki ko salema. Mais il faut finance et landa. Même la présidence, finance et landa, pour soutenir la communication. Ce qui fait que bino ba riche yo congolais bozalaka ya Tanganyika. Former des jeunes pour sécuriser votre propre province. Pour réussir, bimisa mbongo. Maintenant, on a mis pour sécuriser l'espace, bon pour na batoyo, ba koki, koza la corrompu, te tango mpayazoya. Là, c'est très important. Cette affaire dont je parle, il faut intéresser Makasi Christian Mwando. Tu es de Moba. Il faut intéresser Bino Makasi. Kiungwa Kumanza. Tu es de Kabalo. Ezaka na Tanganyika.

comment koboko la bibwele. Ce n'est pas possible que la République démocratique du Congo et son Baka Thomson et son Namibie. Ce n'est pas possible que le Grand Katanga, la province la plus riche, et Zela Kamafuta et son Zambie, alors que Bandundu a sa pembeni capable ya kosa la mafuta au tokolea partout, Kasai a sa pembeni capable ya kosa la mafuta, kosa la masangu, bato oya fondation oyo, bazali ko luka ko s'étendre plus loin, pour que même le long yabisike bele mayezali, bazwa batete lo ba yebi kolona loso, ba ya ko prendre bato. Parce que balona loso, avec grande expertise, mais bazangi moyen à Sankour. Et donc, tokoki jamais, lorsque ils ont koufa, ils ont pour la kouna na Sankourou, to sombaka lorsque le Pakistan, ce n'est pas normal. Na fondation Oyo, ba réhabiliter ba école, ba tongida ba école, mousou sur un village. Pour éviter quoi? L'exode rural. Moutaboti mwana naye. Aligi mwana tanga. Atani na village, classe ezate. Qu'est-ce qu'il fait? A continue na mwana et pas une ni classe ezali pour qu'elle ne tanga. Village ezako se vide. Mais soki, bosani loko la fondation d'engezo sala. Et sali ba centre de santé, na bisika, oyo ba tuba zo vivre. Et sali ba école, na bisika ba tuba zo vivre. Et là, qui si batoko kata bilanga avec technique, il y a ba agronome, bazu, bango, bakeko tia bango kuna, élevage, basako boko la ba soso, ba meme, ba ntamba, ba ngombe. C'est comme ça qu'on doit faire même au Katanga. Je suis né là, bilanga to zalaka nango, saka mike mike, na bisika bilanga zalaki, to monaki ba kozi songolo na kotanga te bango moko ba miyebi ba yaka kolbenga na batu partout batu basa ko kata bilanga po ba tonga banda ko na bango. Oh, pays lokola ya biso na sueta katoko ta na Commonwealth parce que système anglais et la kisa batu ko zonga na mabele ko lona biloko na mabele. Parce que le système anglophone et la qui se bato koboko la bibwele, système anglophone et la qui se bato l'auto-prise en charge. Mais le système où y a ba francophone est un main tendu. Voilà pourquoi Rwanda a kendeki na Commonwealth. Mouze Laurent Kotsakibiso, maneme maneme faire Commonwealth. A sala quand même mbongo na biso komi na écrit et ba komi na anglais li kolowana kokota Joseph akoti alongoli anglais. Pourquoi alongolaki? Parce que biso soto ke na système anglophone tala Ghana, tala Nigeria, bisika tout ba français bazali et tabolakati. Cela veut dire tozonga na na mabele si aux alentours de tous les villages, aux alentours de toutes les villes, yoza na bilanga ya tomate, nga bilanga ya tomate, nani ya kosomba moninga. To kende koteke la baoye baza na tomate te, prix e kozala concurrentiel. Soki to loni, to bokoli ba ngombe, to kozala na miliki fre oye uti na nzoto ya ngombe. E no batinde la kabiso miliki na kopo oye ba bengi o, le lait de la Hollande. Di kambongo nini, bon somba miliki à 10 000 km alors que vous pouvez avoir le miliki ici. Mais comment avoir le miliki wana? Nde tango tozo zonga na likambo ya Théodore Ngoy. So ki toza na fer na biso bien traité. Toko baki sabarai na biso keti na ba village. To sombi train. Mais c'est le chef de l'État président de la République. Train, mitu ya train, soko zui ango la ministre yo, ogo manzambe la kishasa. Soko yo sombi, ba somba kango ya nyongo, isa ya kashite. Soko lingi cash, par exemple, na niveau ba Japon, locomotive ya sika, 4 millions de dollars. Mais soko ke na cash, 2 millions 500, bako zua. Parce que ba tuwa yo somba ebele belete. Ochil mitumi bale. Écoute la kananzela zone kana. Et outi gare centrale sur une kitambo. Ce qui est malheureux, c'est de trouver que Nzela a rail, ba comme ko tiango gravier, ba si pami tout que le kaka. Oyo façon ni kozongi sa pays sima. Ochil mitumi bale. Et ça qu'on s'est croisé dans Nzela. Et kendaka et souka kana matete. Mitumi bale. Et kendakati si forko. Mitumi bale. Et kendakati ki mwenza. Mitumi satu. Et kendakati matadi. Moussousu na matadi moussousu na kishase zo ke luga kobima. Moussousu na katikati. Vous verrez ce problème ici de transport se résoudre de soi. Et tant que vous commandez un wagon, vous avez interdiction formelle, il y a remorque mon côté qui commet ma charge, il y a ciment. Non, boboya. Et ça la réservé pour la rail. Sauf que comme il réservé pour la rail, on attend que vous avez comme ça, la remorque est à la wapi. Tant que vous avez un ciment dans le cas, il y a un train. Tant que kiti na dépôt na e na entrepôt kuna na limité par exemple nde remorque ko kende ko zo po na ko distribuer chez les revendeurs. Enfin, il n'y a pas que le bus transco ko ko sale lokata bobakisi yango e ko embrouiller les sources de circulation. Pembeni pembeni soko bobandika ka nzela nzela boko bandana bichi ngobira boche ba vedette. Ba petit bateau, moutoua mati, et que yina tiki tiki tiki moussous ti malouku. Moussous, bosombi, ezo kende, ti, eko kitisa, batou, pembe ni aéroport. Donc, komona batou, na maye bazo tambo la poba ya ville, train ezo ko tambo la poba ya ville, ba moussou wa kende ba cité, bo fongoni ray moussous, voilà. Pourquoi se diriger de Maluku? Il faut démarrer et ça l'a industrialisé. Basa la kuna na bisikanyon so oyo et ça l'a fait pour que ça soit travaillé République Kokende Musika. Voilà pourquoi Stanley avait dit sans les chemins de fer, le Congo ne veut pas un seul penny. Pas un seul rond. C'est très important. Rail. Mais c'est le chef de l'État, Bozoli Soussignon. Bocha ba wagon, ba locomotive ya sika. Oye kendaka ti kintu. Lubumbashi kintu. Lubumbashi sakanya. Mususu. Ezo kende Lubumbashi. Ezo suka kakana mwene ditu. Mususu eko suka na kananga. Mususu eko suka na ilebo. Oye keboyi. Ti kabalo. Ti kalemi. Vous allez voir se résoudre tous ces problèmes. Tolex Satan et Belete na minere ou ebendili biso ba problème. Il y a moyen de fermer plusieurs usines de minere. Oyo tokoki parfois, toyo kanina ba riche, ba tindeli biso ba train, ba installé ba train, to pesi bango libulu moko. Oyo toko kontrole ba zui, to futi, nyongwesili, to kangi. Nalo ba mingite eza soni. La République démocratique du Congo, Batoba Zoloba, président Koti a sali le côté. Le pays ne peut pas avancer sans production. Bozoloba sali le côté. République démocratique du Congo était ranine. Nabo mambi se soko fana mai. Na mata de soko fana mai na mwa de soko fana mai. Mukongo soka ke ko lukambi soko lukami bale a termine nzela teki a muri oye koki a ke ko le esili. Mais il faut l'état so ba bateau de pêche. Batia na Tanganyika, bateau de pêche, batia angwa na fleuve, bato bakolia bako sepela. Wagenya bazako zwambisi na Kisangani, na méthode rudimentaire. Portez-vous bien, tukutani mbara ya sima.